rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Lacrime. Deuxième semaine et malheureusement, dernière soirée dans Planète Rap. Après deux semaines passées aux côtés de Lacrime, on va te laisser quand même faire d'autres choses, ouais. Notamment partir en tournée, faire des showcases, oui, exactement, défendre cet album partout. Ouais. Ça va? Ça va très bien et toi? Bien. Tranquille, fatigué. Alors, un petit peu. Cette semaine, petit bilan après cette première semaine, je dis première semaine pour les ventes, hein, puisque l'album est sorti lundi. J'ai toujours le même discours qu'hier et qu'avant-hier et les jours précédents. Je suis content de voir qu'il y a du soutien à mort, que le public répond présent, tu vois. C'est un truc de fou. Ça s'appelle Corleone, c'est numéro 1 des ventes. L'album de Lacrime, on a pu le découvrir depuis la semaine dernière. Ce soir encore, avec du live de prévu ce soir. Ouais, on va se faire du live dans les soirs. Ce sera tout à l'heure, on découvrira aussi un morceau qu'on n'a pas encore joué avec Amel Ben qui s'appelle Le Loup de la Street. Ouais, Loup de la Street. Tu nous en parleras tout à l'heure. Et juste avant, on va se faire un gros replay de tout ce qui s'est passé durant cette semaine. C'était avec Lacrime, écoutez ça. Ok. Planète Rap, Planète Rap, le replay. Ok, Lacrime cette semaine sur Skyrock, dans Planète Rap. Skyrock. Planète Rap. C'est parti pour l'événement, pendant 15 jours, il est là tous les soirs de la semaine. Crier, fumer, buvez, bien sûr, rancunier. Y'a tout mon public qui chante, Lacrime va tout vous rafler. Lacrime va tous vous rafler. Y'avait rien pour nous dépanner. Il faut des sous pour changer d'ambiance. Donc, sous pour nous évader. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Pour pouvoir s'évader. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des lovés. Tout le monde veut des sous, ma gueule. Tout le monde veut des lovés. Pour pouvoir s'évader. Sur le sentier de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veniqua, Bellissima, Ice, Lacrime, le cash nous est vital. Grosse voiture italienne, haute couture italienne, top modèle italienne, c'est un braquage à l'italienne. Sur les sentiers de la Dolce Vita, perdre des plumes est inévitable. Enchanté, Veniqua, Bellissima, Ice, Lacrime, le cash nous est vital. Grosse voiture italienne, haute couture italienne, top modèle italienne, c'est un braquage à l'italienne. Pour les fils de pute et les donneurs de go, je pense à mes ro, toujours en cash. J'ai beaucoup de rêves à convertir en cash. Clique ma page, nique les barrages. Le pote le voyou va devenir l'otage. Besoin d'évacuer ma rage, va un bon massage au bord de la plage. Ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Nous c'est V12 et pas V6. J'ai tout niqué dans ma Tessie. J'ai pas de chat, j'suis pas Messi. J'viens du 9-4, je me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Ah, Lacrime, t'es un ouf. Ouais, bien sûr, Lacrime, bien sûr, Corleone. Non, franchement, ça va, il est cool, hein, il est bon. Je l'écoute depuis ses débuts et j'aime bien. Quand il dit ses morceaux, on sent qu'il est vrai. Genre, on sent son vécu. Tout ça, il a un lourd vécu, tu vois. Mon Glock te mettra à genoux, celui-là c'est mon préféré. Après des becs, tu veux me faire la guerre. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Deux, trois promenades et tu me croyais mort. Mon Glock te mettra à genoux. Mon Glock te mettra à genoux. Bastos dans leur mer, ouais. D'un frappe. Bastos dans leur mer, ouais. D'un frappe. Bastos dans leur mer, ouais. Des grosses des gros billets. Des lovés, des lovés. Jamais déviés. Des mecs comme moi en cité, y'en a des milliers. Je suis qu'un tag, ouais. Tu fais ça, tu me gères, tu sais où me trouver. Je suis qu'un tag, ouais. Même si t'as le parpaing, je vais quand même te trouer. D'où je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. They love it. Alors on a quitté l'école, on s'inventait nos codes. On voulait partir en vacances avec les meufs les plus bonnes. Et y'a les balles qui résonnent. La crime, des pertes de personnes. La crime, on avait qu'un seul grand frère, c'était le Smith et Wesson. On veut le coffre et la caisse, du champagne, de la fraise. Molotov dans la caisse, sur nos coffres on encaisse. Refrain, on avait qu'un but, celui de tout baiser. On était dangereux pour la banaliser. Arrivant, isolé, quel mauvais temps. Je m'étais dit ça plus jamais. Les parloirs et les rages de temps. La canicule assèche les fleurs. Bah moi la tôle noircit mon âme. Juste une petite rêve, je dors plus, je traîne. Je fais plus de rêve, laissez mon cœur au grève. J'ai connu ma bella, l'abdome, la favela. Je prenais des kilos de pur. Un gros, ils savent tous. La devise, La crime dans ta voiture, compteur bloqué, minimum à 2-10. Je bourré, je pense à mes frères. Planet Rap. Ah voilà, il s'en est passé aussi, hein, du live beaucoup cette semaine. Merci à toi pour cette belle semaine, la crème. Merci à vous. Entre 20h et 21h, tous vos messages. On va saluer aussi les nombreuses personnes, les milliers de personnes qui ont envoyé des messages pour toi avec le hashtag la crème sur Skyrock. C'est encore le moment de bombarder. Allez-y jusqu'à 21h. Parce qu'il y a tellement que ça défile, des fois, j'ai même pas le temps de dire. Ah bah ça va très vite, ouais. Mais je vois on sortira tout, t'auras plaisir. Une belle collection. Tu vas repartir avec un bottin. Ah, tu peux? Un bottin de messages. Ok. Voilà, tous les messages qui sont arrivés pendant 15 jours pour la crime. Merci à tous. Ce soir encore avec le hashtag la crime sur Skyrock et on débute avec le bracelet. Allez, c'est parti. Allez, bracelet. Ça va me réveiller un peu. T'es une belle petite bombe atomique, un bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique, sinon je serais déjà parti dans les îles. Je veux une salope comme Clara Morgan, t'as envie de baiser, j'ai lu dans ton regard 69-890, bâtiment B posé dans le calme. Le matin je descends dans la promenade, je suis cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi avec Félix et Sau faire sauter le bus. Dehors ça complote, on va te fumer, un jour de pluie te laisser par terre. J'aurai un alibi, j'irai à Miami sur un jet ski sans départeur. Le thème c'est si t'aimes, je vais te... La com' est pas fait pour décevoir ses frères. Je me donne un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je donnerai pas ton nom si le procureur m'enferme. Je suis tellement fier, 10 millions je serai pas de bite. On dit que le diable m'habite, connaît toute ma vie. Que le doute navigue dans toute ma vie. Mon automatique va les faire changer d'avis. Toujours du flow, pour les fils de pute et les donneurs de go. Je pense à mes robes, toujours en cage. C'est beaucoup d'erreurs à convertir en cash. Clique ma page, je clique les barrages. Ton pote le voyou va devenir l'otage. Besoin de tuer ma rage, un bon massage à bord de la plage. Ouais ouais, je mets mon fils dans le X6. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Nous c'est fait 12, c'est pas V6. Alors, j'ai tout mis dans ma Tessie. J'ai pas de chat, j'suis pas Messi. J'viens du 9-4, j'me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Espèce de fils de pute à sucer. Y'a des locations qui sont pucées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. J'compte à des vrais tueurs, quand même tu sais. Demandeur quand tu as des couilles. Ça c'est pour la vie, mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Toto à 23h, je bois du champagne. Faut un crap à des Springles. T'inquiète mon frère, j'suis toujours le même. Calibré comme un Inkle. Ils parlent tous de moi comme gros Carlos. Bécan, photo, bamo. J'te laisse sortir devant chez toi. T'es mort devant la porte de ton cabos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. Jamais de billets gris que des billets violets. Sale fils de pute, vous êtes démodé. C'est quoi cette talon, j'vais la démonter. J'suis parti pour tout baiser. Des chartes, des chiffres jusqu'à TV. Dans la rue sur mes couilles que j'ai tout misé. Comme une carapace, pas besoin de savoir viser. Tout le temps je suis steppé. De toutes les couleurs sont mes yébis. De toutes les couleurs sont mes amis. Russie, Bastia jusqu'au Mali. As-tu saisi, nique ta mère. Je représente ouais, mes Mali. Frères. Alors je c'est comme un tiens mon album qui va sortir. Moi dans mes cons, c'est lunaire. Avant d'aller auprès de toi, je fume un joint d'herbe. Je me rappelle que je peux mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais, je t'emmène avec moi. On est simple, on le plaisante pas. Sur la tête de ma daronne, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas, que je changerai pas. Que je changerai pas. Mid, fusil à lunettes, bim, bim, bim. Le morceau s'appelle Bracelet, vous commencez à bien le connaître ce morceau, hein. Je vois tous les textes aussi qui arrivent, les gens commencent, à mon avis en concert, ça te fait bien te marrer avec ce morceau. Ouais bien sûr, bah, j'ai déjà commencé quand j'étais à Marrakech à Tanger, et déjà ils avaient déjà... Et la seule vidéo qui était sortie c'était celle du Planet Rap, ça veut dire ça sortait de là, voilà. Les gens c'était comme des fous. Et demain d'ailleurs tu seras en showcase, c'est à Perpignan au Purple. Exactement, venez nombreux. Voilà, le 6 septembre c'est donc demain pour retrouver... C'est le premier showcase après la sortie de l'album, ça veut dire qu'il y aura les titres. Et ça veut dire que vous pouvez même apporter l'album pour le faire dédicacer. Ah pourquoi pas, s'il y a un petit peu de temps. Photo, tout, bien sûr, bien sûr. Allez-y. Bien sûr. C'est demain du côté de Perpignan, le 12 septembre à Liège, le 13 à Mons, le 26 septembre à Lyon, le 4 octobre à Arles, au Palm Beach, chez le poteau Mirsa. Voilà, du côté de Arles, et puis d'autres dates qui vont s'ajouter, aller suivre la crime sur les réseaux sociaux. Bien sûr, bien sûr. Et puis plein de bonnes choses aussi qui vont arriver. Toi, t'imagines quoi dans les prochains mois? Une tournée? Ça va être quoi le principal boulot que tu vas faire? Bah là, c'est de faire vivre l'album. Donc, ouais, les concerts, les tournées, on va voir. On est en train de se poser là, justement, ces jours-ci. Tu réfléchis déjà aussi à un autre projet ou pas? Ou c'est un peu tôt là? Bien sûr, je suis déjà en route. Ah, c'est déjà en route? Ouais, c'est déjà en route. Mais tu vas pas reprendre ton rythme tous les 6 mois à sortir quelque chose? On va voir. Ok. On va se revoir bientôt. Bon, bah très bien, bah écoute, ça me va. Hein. On prend rendez-vous déjà. Début 2015. Ah, c'est déjà fait peut-être. Bon, en attendant, il y a déjà celui-ci. Je pense qu'il y a encore pas mal de morceaux à découvrir pour ceux qui vont récupérer, ouais, Corleone. Ouais. Il y a plein de titres. Il y a notamment aussi un morceau qu'on va balancer maintenant qui s'appelle Le Loup de la Street. Ouais. On l'a pas encore mis, c'est avec Amel Bent. Avec Amel Bent. Ouais. Amel, quelqu'un que tu connaissais aussi? Non. Pas du tout. Non, du tout. Du tout. Wow. Mais après. Hormis sa voix, choix, t'as dû entendre. Voilà. C'est ça en fait, c'est par choix artistique. C'est mon album, tu vois. Moi, je voulais Amel et ça s'est fait. Franchement. Et après, justement, tu as aussi par rapport à ça les clichés du morceau. Tu sais, je t'aime, tu m'aimes. Mmh. Nous, on voulait pas faire un morceau. On voulait faire un putain de morceau de rap, de la musique. Bon, en plus, elle aime ça, Amel. Hein. C'est quelqu'un qui aime le rap, sûr, comme ça, hein, qui vient de cette culture bien aussi. Bien sûr. Voilà, et qui peut aller dans plein de domaines d'ailleurs. C'est marrant, ouais, parce qu'elle peut aller très bien chanter de la chanson française, de la variété française. Bien sûr, bien sûr. Mais elle a toujours ça en elle. Voilà, elle aime le rap, elle aime cette culture. Voilà. Et le Loup de la Street, c'est ce qu'on va écouter le maintenant. Le Loup de la Street, Ray. Extrait de Corleone. Le Loup de la Street. Les loups qui vont chercher la bourse. Aïe. Comme un micro dans la plaine, tes âmes me crient de la haine. Nous entends-tu chanter nos peines? Nous entends-tu pleurer tous nos frères? Comme une bouteille à la mer, pourquoi nos larmes tombent et se perdent? Nous entends-tu chanter nos rêves? Nous entends-tu préparer la guerre? Pas un film, à la fin je vais vous laisser. Mais tout comme je n'avais rien, je suis parti pour tout baiser. Des vols, des effractions, des flingues et des tractions. Je ne suis rentré dans le cœur de la vie que par pénétration. Déflagration, l'enfer de la nation. Je suis noir de relations et ces musiques sont les déboires de nos passions. Dans le 9-4, c'est de là d'où je suis sorti. Soit tu chasses avec les loups, soit tu manges que les orties. Comme un écho dans la plaine, que ça me Nous entends-tu chanter nos peines? Nous entends-tu pleurer tous nos frères? Comme une bouteille à la mer, pourquoi nos larmes tombent et se perdent? Nous entends-tu chanter nos rêves? Nous entends-tu préparer la guerre? Plus d'oseille, plus d'oseille, plus d'oseille. Y'a peu d'espoir, donc on veut plus d'oseille. Ce putain de système nous bloque dans une impasse. Ils attendent que tu sois bien blessé pour venir à la chasse. On se rebelle, l'État nous classifie danger. Ils ont pas tort, y'a même des gens qui se font manger. Je pense à ma famille, pas faire des choses en perdre la raison. Mais je veux plus de la famine, je veux faire un stop pour tenir la saison. On fait ce qu'on fait, pas juste pour le faire. Enfant de la misère. Ici bas, soit tu aides ma gueule. Des aides ma gueule. Pour ça qu'on reste solidaire. La marque de fabrique. Enragé, digne et fier. On est juste une meute de loups du terre. À l'époque, je voulais manger. On a grandi, on veut se venger. Je m'en bats les coups du loyer. Dans mes billets, je veux me noyer. Voyez, la rue n'est pas ce que vous croyez. Les soucis me cassent les reins, j'ai les os broyés. Tu fais du rap, arrête de chialer sur ce que t'as pas. Dis leur corps, chef de meute, je suis leur papa. Le Loup de la Street à l'instant. Qui finit, ouais, sur un gros waouh. Ouais, un gros loup. Un gros loup. C'est Cor qui a fait le loup. Ah, c'est lui. Ouais. Je me disais, mais qui fait le loup sur ce morceau? Ouais. Cor qu'on salue, il y a Belek qui est dans le coin aussi. Ouais, Belek il est là toujours. Voilà, c'est les mecs qui ont beaucoup toujours bossé avec toi sur cet album. Qui font, hein, Belek. Qui font partie de l'aventure de Corleone. Ouais. On soutient le frérot. On soutient son talent, on soutient sa détermination, et voilà, on est là. Hein. Tiens, Belek, comme c'est la dernière soirée de la crime dans Planète Rap pour l'album Corleone, est-ce qu'il y a un petit truc que tu voulais ajouter, quelque chose à dire qu'on n'a peut-être pas évoqué durant cette semaine? Non. Franchement, non, la rapidité de l'album, comment il a été fait vite, on a tous été cohérents. Jamel Cor, il a bien fait son taf de chef d'orchestre. Et voilà, l'album il est là. Toi aussi peut-être la crime, tu voulais ajouter quelque chose, je sais pas, qu'on n'a pas évoqué sur, non, sur l'album, moi, sur, moi, sur cette aventure. L'album, sur... l'album je le fais, je le fournis. Après moi ce que je répète, ce que je répéterai tout le temps, c'est par rapport au public. Tu vois, nous comme je t'ai expliqué, on est dans l'autarcie de le faire. Et après il y a le jour où les gens vont le découvrir. Mmh. Et ça part de ce jour-là en fait. Jusqu'à quand, c'est une durée indéterminée. Ah tu bah vois, 4 ans, les gens, les mecs, ils se réécoutent les morceaux, mais de quelle façon, de quoi, qui s'approprier, tu vois. Et c'est la magie du public. Voilà, jusqu'à même si aujourd'hui je suis numéro 1 sur iTunes, c'est grâce au public. Toi, il y a des albums justement, alors que ce soit rap français ou ricain, sur lesquels tu retournes régulièrement des... Ouais, moi je suis plus dans la nouveauté maintenant. Mmh. Tu vois, ça veut dire que si Dirk qui sort un projet, je suis là. J'écoute, tu vois. Même des mecs qu'on connaît pas forcément, comme Pee Wee Longway, tout ça, un peu de tout. J'écoute de tout. Mmh. Tu vois, faut écouter. Mais t'écoutes pas forcément des. Ou même par rapport à tes. Sur avec tes nostalgique. Anciens... Avec nostalgie. Si, sur... par exemple, du Nas, du Tupac. Ouais. Ouais, Biggie, moi j'aime bien, mais. J'étais plus Nas. T'étais plus Tupac. Nas, ouais. Ouais. Mmh. Franchement, ouais. Parce à que l'époque. Le mec, Nas, il s'est rappé. Il a un truc, c'est fou. Et Tupac, c'est la rue. Mmh. Tu vois. Donc après Biggie, je savais pas où trop le placer. Et puis comme je comprenais pas, j'étais jeune et tout, je voulais vraiment celui qui avait un truc, tu vois. Celui qui avait un truc, et ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Belek? Ouais, je disais le flow, Biggie. Ouais. Le flow incroyable, peut-être. Mmh. C'est incroyable. Vrai. C'est vrai. Bah après voilà, on a tous des préférences aussi, voilà, sur certains albums. Et je comprends que Tupac aussi qui est plus rare. Rahmo Tupac. Que quelque part voilà, Tupac te touche aussi, ne serait-ce que par rapport au parcours, au côté. Ouais, bah oui, bien sûr. Côté, moi ce que j'ai aimé chez lui, je te dis. La personnalité aussi du mec, incroyable. Le mec était très naturel, tu vois. Il a sa vie, il a truc et tout. J'ai vu des vidéos où il met une perruque, il est au théâtre en train de rigoler. Tu vois, ça, il se prend pas la tête, le mec. Et c'est ça que j'aime bien. Il se donne pas un genre, mais on est thug pour de vrai. On va avant, on attend de mettre un morceau encore. Voilà, ouais, juste, je pense, non. Juste avant la pub, allons-y. On va en profiter, mettre plein de titres ce soir. On met. Je suis qu'un thug. Ah, comme on parlait de voilà. De Tupac. Ouais. Le morceau Je suis qu'un thug, extrait de l'album Corleone avec la crime tout de suite. Alors, ça dit quoi sur le raté? Tu fais ça, tu m'échères, tu sais où me trouver. Je suis qu'un thug, ouais. Même si t'as le pare-balles, je vais quand même te trouver. D'où je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. Des love. T'as le permis de poker, j'ai le permis de tuer. C'est la guerre. Frérot, je sais ce que je vaux. Ils veulent me tirer dans le dos. Tous aveuglés par l'ego. La crème est venue tout rafler. Ouais. T'es qu'un rigolo. Pas de cadeau, fan le négo. J'ai grandi dans les affaires, nique ta mère si tu penses nous la faire. Tu sais que rien n'est offert. Tu vas goûter le famas. Il est mort à l'on traquer nos verres. Zinda. Lunettes sur le nez. L'album il sort en été. Dis-leur Jamel, il manque plus que leur mère et leur soeur pour un vrai comité. Couille des grosses cases, des gros billets. Rien. Des billets. Jamais. Comme moi en cité, y'en a des milliers. Je suis qu'un thug, ouais. Je suis qu'un thug, ouais. Tu fais ça, tu m'échères, tu sais où me trouver. Je suis qu'un thug, ouais. Comme si t'allais par bas, je vais quand même te trouver. D'où je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. Des love. T'as le permis de poker, j'ai le permis de tuer. Je veux faire le tour de la terre. Refrain, ici, c'est l'enfer. Je suis dans ma cité, personne n'a quitté. Dormir en tôle depuis 16 ans vacciné. Je vis la rue, gros. Dans mon équipe, y'a jamais de il faut des love. On baisse tout, ma gueule. Tu sais pour qu'on vienne te lever, mon gros. Y'a des me pour te fumer ou te prendre ton genre. Pour la bagarre, j'appelle Babou le barbare. Tu vas ronfler jusqu'à demain soir. Frérot, je veux ma paye. La même que Robin sur mon père. Qu'ils aiment trop la vie pour te voir la paire. Je suis qu'un thug, ouais. Bim-bam-boum. Je suis qu'un thug, ouais. Comme si t'allais par bas, je vais quand même te trouver. D'où je viens, tu connais, je n'ai rien à prouver. Rien à prouver. Des love. T'as le permis de poker, j'ai le permis de tuer. Corps à la prod. Je suis qu'un thug, ma gueule. On a eu des millions comme ça. C'est Skyrock avec La Crime. L'album est dans les bacs depuis lundi. L'album numéro 1 avec ce morceau, Je suis qu'un thug. Ouais. C'est ce qu'on écoutait sur Skyrock. La Crime va revenir dans quelques minutes du live. Ouais. C'est ce que tu vas nous faire dans un instant. Probablement. Freestyle par téléphone. Et puis attention, on va poser. Alors là, c'est une grosse question. Une question technique pour ceux qui connaissent un petit peu ton parcours. Ok. Il faut avoir suivi. Ouais. L'histoire de La Crime. La Crime, je vais demander aux auditeurs de Skyrock, donc pour les pour voilà pour les plus connaisseurs et pour repartir avec justement l'album ce soir comme c'est la dernière. Tu avais fait un tour des quartiers, tu te souviens que tu avais fait un tour des quartiers il y a quelques années de cela. Ouais. Pour promotionner bah voilà différentes sorties. Exactement. Je vais demander en quelle année c'était. C'était il y a pas très longtemps. Ouais. Mais allez-y, vous balancez si vous avez l'année exacte, vous repartez avec l'album technique un peu celle-ci hein. Ouais, technique. Technique pour finir. On peut donner un indice. Allez. Faites entrer La Crime. Pas mal. Marseille. Voilà. 13e art. Il avait fait une tournée des quartiers. En quelle année avait-il fait cela? C'était juste en plus c'était du bouche à oreille hein, que tu avais fait. C'était, voilà, c'était. Ouais, c'était que les réseaux sociaux. Que les réseaux sociaux, voilà. C'est là où tu voyais qu'à l'époque, il y avait quand même une mobilisation. Il y avait un peuple. Partout où j'allais. À Lyon, c'était. Ouais, t'hallucinais déjà, j'ai pris toi des amendes, des trucs, juste parce que je suis arrivé. C'est un truc de fou. Il y avait du monde partout. Grenoble, Strasbourg, Mulhouse. Tu t'attendais justement à voir ou alors c'était une tournée pour promotionner toi, non, pour promotionner. Non, vraiment c'était le but, c'était d'aller dans les quartiers, dans les places, pour voir un peu les gens. À Strasbourg, je suis allé dans la cité, je suis allé là-bas, je suis allé dans la place, c'était vraiment voir les gens. Et il me disait ça fait plaisir. J'habite dans une grosse cité, tu vois, le Neuf par exemple. Ouais, à Strasbourg. Il me disait ça fait une décennie qu'il y a personne qui est venu dans la cité, tu vois. On venait, on se posait, on fumait un peu, on faisait un petit freestyle, tout ça, c'était voilà. Bon, quelle année c'était? Allez-y, si vous avez la bonne réponse. Ça m'a beaucoup servi. C'est vrai? Bah oui, parce qu'il y avait de proximité. C'est quelque chose d'ailleurs que tu vas faire sur la tournée, peut-être des rencontres avec des gens. J'en parle, je te jure que j'en parle tous les jours. Donc franchement, ouais, on va le faire. Je peux l'annoncer déjà qu'on va le faire. Bon, bah ce sera sur la tournée, ta tournée là, qui aura lieu dans les mois à venir. Ouais. Si vous avez en tout cas la bonne réponse, en quelle année a-t-il fait son tour des quartiers, La Crime 41759, le hashtag La Crime sur Skyrock. Et on revient dans un instant, on balancera le morceau, tiens, le AWA. On l'a mis, c'était hier soir dans l'émission, on a pu le découvrir avec French Montana. À réécouter juste après ça. La Crime a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec La Crime. L'album s'appelle Corleone. On le découvre encore ce soir jusqu'à 21h avec nous, La Crime. Juste avant la pub, tiens, je posais une question en disant quelle année as-tu fait ton tour des quartiers? Ouais. C'était en 2012. En 2012, ce fameux tour des quartiers. Il y a eu plein de bonnes réponses. Donc, il y a plein de gens qui t'ont vu, qui t'ont croisé. Quand on voyait les réponses au 41759, le hashtag La Crime sur Skyrock 2012, pour cette tournée des quartiers, puis peut-être une en 2015. Ouais, espérons, vraiment. En attendant, demain, t'es du côté de Perpignan pour le showcase au Purple, ma gueule. Faut venir nombreux. Le 12 septembre nombreuses. À Liège, 13 septembre à Mons, le 26 septembre à Lyon, 4 octobre à Arles. Ouais. Pour voir La Crime. On balance un autre titre, on l'avait dit, AWA. On met le AWA, ouais. Allez, c'est parti avec French Montana. C'est parti. Qui revient foutre la merde? C'est toujours le même. T'as connu l'équipe? T'as senti l'équipe? Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Tu t'es fait rafaler dans le dos. Trop loin pour que tu nous rattrapes. T'es né dans les choux, j'suis né dans la braque. La liberté, mon frère, c'est savoureux. Tu rentres chez les tantes, t'en ressors amoureux. Pour ceux qui font des sous comme nous, AWA est dans le sang, on vous mettra à genoux. Nouvelle caisse, nouvelle yas, Rolls Royce, pétasse, constable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club, Rolls Royce. Pompe monte en l'air, I get it, I get it. Pompe monte en l'air, talk about it, I live. Pompe monte en l'air, black cars, I whip. Pompe monte en l'air, big money, I flip, huh? Left on the plane, came on a boat, 300 chains, came in her throat. Ain't no telling where a nigga might be. Nick game floor seats right next to Spike Lee. I be hiding the motherfucker, flying in the motherfucker. 500 horse, ride like a motherfucker. Please tell me what these niggas selling with. Pressure on tight, you know these niggas telling. Champagne like July 4th, buggy out Porsche. Beat the pussy up, Scott Storch. Montana get A-Rap money, laughing to the bank. Okay. These niggas funny, huh? You ain't guess. Nouvelle Yas, Rolls Royce, pétasse, grosse table, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On monte en l'air, I get it, I get it. On monte en l'air, talk about it, I live. On monte en l'air, fly cars, I whip. On monte en l'air, big money, I flip, huh? All we do is get money, huh? Pull up in the yacht, count hundreds, huh? European car, bad bitches, huh? Young, rich nigga. Tu ne verras pas sucer pour des loaves. Pour avoir ta chatte, t'auras jamais du mauve. 6.3 frérot, je te vois plus. Si tu me parles aux ailes, je suis toujours à l'affût. Nouvelle caisse, nouvelle yas, Rolls Royce, pétasse, constable, 20 bouteilles, toujours calibré dans le club refrain. On monte en l'air, I get it, I get it. On monte en l'air, talk about it, I live. On monte en l'air, fly cars, I whip. On monte en l'air, big money, I flip. Aïe aïe aïe, quel sub. Les enceintes eux-mêmes ils saignent, ils disent arrête s'il te plaît. À l'instant avec French Montana et NWA, c'est extrait de l'album Corleone à l'instant, ouais. Sur Skyrock entre 20h et 21h avec la crime. Pendant quelques minutes encore, on va profiter de toi avant de te laisser partir vers d'autres horizons. Ouais, et, c'est un plaisir, Fred. Il y aura un live dans quelques minutes aussi. Ouais. À pas louper, peut-être qu'on mettra aussi Pronto. Ouais, on va le mettre, non? Allez, bon, on va le mettre dans un instant. Juste avant, je te présente quelqu'un, c'est du 9-4, du Plessis Trévis. Qui? Tréville, pardon. C'est Nodge. Nodge. Salut, Nodge. Ouais, allô. Ça va bien? Ouais, tranquille, et toi? Eh bah, écoute, ouais, la crime est là. Bien, la crime. Tu vas bien, mon pote? Ouais, bien, bien, bien. J'ai un poteau à moi, il a kiffé ton album, là. Merci beaucoup. Mais toi, tu l'as kiffé? Ouais, pas toi, Nodge, ouais, moi, en fait. Moi, j'ai kiffé Pronto, là. Ça, c'est mon son du moment, là. On va le mettre. Eh bah, ben, on va le mettre. Mais ça, c'est un bon son, ça. On va le mettre juste après ton freestyle. Lourd. Tu es prêt, toi, Nodge? Moi, je suis prêt. Allez, si t'es chaud, on y va. Session freestyle. Allez. Par téléphone, on y va. Non, on me dit au mic là. Ok. On me dit au mic là. Hein? On me dit au mic là. Hein? Tu connais ou quoi? 9-4. Hein? Ok. Comment rentrer dans le jean? Comment c'est ça, c'est dans le jean? Tu lui laisses le chat pendant qu'elle te laisse les papines. Chérie, je t'aime bien, mais je vais faire la distance rate pour que je perde ton ici là, on se rappelle. Après la trentaine, on ne voit plus pareil. Ils sont beaucoup assurés, j'ai parlé qu'avant que t'es pas pareil. Malgré la flemme, j'écris toujours des textes lourds. Moi, je ferai tout pour pouvoir rouler en lambeau. Malgré ma folie, pour ta raison. Petit fait pas pareil, même si c'est très bien que nous le faisons. Hey, j'ai le syndrome de Pharrell, j'ai la jeunesse éternelle. Quand ma paresse me caresse, les couilles, je suis bon, caresse et dans le bel. J'aime comme ma bouche dresse, j'aime pas tout pour ce dresse, ça donne 9-4, c'est pas changé d'adresse, je vais finir par me présenter, dresse. Je suis toujours négatif, baby. Je suis toujours négatif, baby. Je peux t'aider sans ta faute, baby. Tu peux être une single lady. Tu restes à rien de vie à quelle vie. Moi, parce que j'en ai rien à foutre. Même soit que rien à foutre. Moi, n'importe quel star là, riche, je prends ton pépouni de Carla. Hey! J'aime pas t'appeler, je vais te rouler dans la farine. On finira par se plomber. Car les opposés s'attirent. Qui fait des bulles, c'est le fan. Formule la beau, t'en fais la star. T'as trop de fans pour être ma femme. T'es trop bonne pour être ma femme. Merde. T'as tout isolé. Et t'as peur qu'on te trahisse. Tu finis par haïr tous ceux qui t'aiment. Aimer tous ceux qui t'haïssent. À l'époque, on voulait tous ces deux potes. On a plus envie de tous ces deux. Ah merde. Bah voilà, Nodge. Ah non, c'est là quand même. Il faut sentir la puissance quand même. Aïe. Et bah voilà, on a senti quand même, t'inquiète pas, Nodge. Ouais, on a senti la frappe. 9-4. On a bien entendu. On a bien entendu le 9-4. Ça ou pas la crime? 9-4, ma gueule. Ah, 9-4, c'est et on va envoyer Pronto. Et on va envoyer Pronto pour te faire plaisir. Tout de suite, Pronto. Juste avant, est-ce que tu veux balancer ton adresse où on peut te retrouver sur le net? Ouais, je fais un peu de pub. Alors, Facebook, NODJ officiel. NODJ officiel. Twitter, NODJ LMC. Et j'ai sorti deux clips, ouais. Vous tapez NODJ Work et NODJ Enemy. Même toi, si tu peux regarder Work, tout ça, Enemy, tu verras, t'inquiète. Là, aïe, ça fait que débuter, mais bientôt, plus tard, si Dieu veut. Inch'Allah. Et bah, bon courage pour la suite, en tout cas. Je te remercie. À bientôt. Ciao, passe une bonne soirée. En effet, on balance le Pronto tout de suite. C'est extrait de Corleone, l'album qui est dans les bacs. Pronto. Pas demain. Bah oui, prends-nous en photo. Gros, Bah oui, pose-nous des micros. Gros, les tchapas sont dans l'auto. Gros, la curiosité avait leur défaut. Tu parles de qui? Tu parles de moi? Moi je te connais pas, je ne plaisante pas. Reste tranquille Renoir, moi je suis pas d'ici. Mais je suis partout chez moi. Bolide, garage, musique. Trop de salopes sur la vie de ma mère. Un verre l'hiver, je vais tous me les faire. 762 pour te casser les jambes. Faire courir les gens. Tenu sur les champs, qui fait test avec moi. Personne, je vous baisse toi, lui et elle. Tout seul, la meuf. Versace, Rolex, je suis pas Qatar. Le pétrole, ma fille, la chérie. Non, je veux faire la guerre, mais t'es pas prêt. Non, crois-moi, non, blague pas. Non, on s'en bat les couilles de ce que t'as fait. Non, pourquoi te regarder quand je suis refait. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. Parce qu'on aime ça, on attend ça. On est pour ça, on baise là. Pronto. T'es son téléphoné, ton équipe de bouffon. Bouffon, bouffon. Te fera cellophané par lui. Prends mes frelons, frelons. Ah ouais, t'es un vrai, moi je sais t'es un faux. Rien. J'suis dans les faits divers, t'es qu'à la radio. Cramé et mon équipe, pas de CB que du liquide. Si j'te fuis mon équipe, ta cavale un tranquille. Donc j'm'arrache au deblé. Alger, Corniche, Sheraton, j'serai jamais extradé, même pour de deux. Les couilles et l'honneur, l'oseille et les tarpés. Les harbés, les harbés. Big up aux vendeurs, aux braqueurs, aux tueurs, les amis, les ennemis. La tête sous l'eau, au fond de la rue, t'inquiète sinon. 3 millions, ça c'est pour la donne. Même pour 10 piges, mon frère, on prend tout. On prend tout. Comme tu sais, comme tu sais. On a peur de rien, on a peur de rien. Ta vie ou la mienne, en vrai, j'en sais rien, j'en sais rien. Ratata, ratata. Je suis déjà loin, 9-4, Marseille, Bondy, Nord. Et j'oublie pas, mais montre-moi. Non, je vais faire la guerre, mais t'es pas prêt. Non, crois-moi, non, blague pas. Non, on s'en bat les couilles de ce que t'as fait. Non, pourquoi te regarder quand je suis refait. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Je veux pas les fous. Parce qu'on aime ça, on attend ça. On est pour ça, on baise là. Pronto. Pronto à l'instant, c'est extrait de l'album Corleone, l'album dans les bacs depuis lundi, l'album de La Crime entre 20h et 21h. La Crime, c'était prêt maintenant, on va attaquer le live. On va attaquer. Dernier live de ce Planète Rap. Allez. DJ Belek est au platine. C'est quand vous voulez, c'est messieurs. C'est parti. Belek. Rack. Ok. Alors Belek. Ah ouais. Faire enculer, ils aiment tous se faire enculer. Mon salaire veut pas de Manchester. Les tiennes avant de mourir, c'est tout ce que j'espère. Combien vivent avant de partir, à travailler, combien sont morts de fatigue. On veut tous faire la villa pour sa mère. Aujourd'hui une paire de pompes s'est pris d'un salaire. On part tous en vacances avec l'argent de la coke. J'arrive plus rapper sur ça comme être décès bagon. L'album mes craintes, j'ai prévu ça. La crime dans les oreilles, vous allez faire du sale refrain. J'étais en taule, me parlez pas de paye. Me parlez pas de peine, me parlez pas de paye. Je changerai jamais pour avoir un chalet. Hey, tu me parles de vocodeur, on dirait que je suis chapeau de jamais. T'as kiffé d'où je viens ou d'au nord? Ils sonorent pour les badges, je vais au nord. Je suis pas un repenti, marqué dans une Audi. Rappelle au putain de life et sors quelques mélodies. Si je fais ça que pour les sous, tu m'achèves. C'est pas les chiennes des chichas qui m'achètent. Hein. Je me fais bien pour être honnête. Je veux un gosse, tu me pèses dans les toilettes. Un mec comme moi dans le rap, tu l'as jamais vu. Un public comme le mien, c'est du jamais vu. Vous voulez du vrai son, je m'occupe de vodka. Tu peux lâcher des larmes après des litres de vodka. Y'a nos mères qui ont souffert et nos pères nous mêmes plus tôt. Petits frères vont de la drogue de plus en plus tôt. Je vais là où tu mets pas liette. Ma soeur, fais pas la con, je te mettrai pas qu'une paliette. J'ai peur que du bon Dieu tout puissant. Qu'à la GP800, ce train de vie est puissant. Souffrir en vieillissant, est-ce que la vie c'est prendre des balles avec ta femme en conduisant. Grandissant, j'ai compris qu'en misant sur l'honneur et les principes, je ferai du temps aux médisants. J'ai fait du mal, mais n'écoute pas les rumeurs, mon pote. Je suis bien dans ma ville, le 9-4 me porte. On se connaît, on n'a pas eu de piston. Ils sont contents de voir mon fiston. Une Vitex, c'est ça les mecs. Dis-leur à tout 15 ans, on avait déjà le fusil à lunettes. On faisait des sous devant les tasses qui miaulaient. Fils de pute, j'ai trop de classe pour violer. Demain je meurs si je vous ai menti. Je suis fier d'avoir un gosse, pas d'être un bandit. Rappeur, arrête de faire le tyran. Quand t'allais en cours, on tenait la street en tirant. Corleone, dans les bacs, ma gueule. Tu connais la devise. Soit tu chasses avec les loups, soit tu manges que les orties, gros. J'ai fait les quatre coins de la France. Je vois que c'est la même partout. La rue te tue, gros. Mais tout ça, tu connais. Je pourrais jamais me laisser me la faire mettre. C'est dans nos gènes, plus la maternelle. Je vais tout perdre et c'est la vie, gros. Il y aura plus de mitraillettes et de micros. C'est du Barry avec un peu de Rick Ross, ma gueule. On part terre. C'est la rue, hein, fromage. Hein, c'est la rue. Corps. Ok. Je vais t'expliquer comment ça se passe. En résumé, pour moi, tout est parti très tôt. J'étais qu'un branleur. Je m'en fous de l'école, de tous ces codes. Je ne veux que prendre l'air. Je me serais tatoué la rue for life. Je voulais croquer le monde, je voulais pas ton larve. T'as besoin de 3000 E, mon gros je te les prête. Y'a toujours des fils de pute qui finissent chez les traits. Tu parles dans mon dos, me tourner le dos. Cracher dans mon dos, j'ai pris la moto. Tirer dans son dos. Pas peur de mourir, mais trop faim de vivre. Les laisser les rire pour les peines, ouais. Pour la haine, ouais. Et de tout ce que j'ai pu faire pour elle. Maman, y'a trop de choses que je regrette. Je t'aime. Désolé, maman. Mes yeux ont vu ce qu'il ne fallait pas. Un fromage, on a tout vu. Je suis un vrai soldat. J'aime la rue, frère. On sait faire que ça. Même quand elle est trahie, tu reviens. On est bon qu'à ça, ma gueule. Oh oui, la rue, quand tu veux la tèche, elle revient de sitôt. Et moi, je suis dépendant comme un putain de vulgaire toxico. Y'a ce loyer, moi, je veux partir en vacances. Si t'as 3 millions, dis-moi, tu reviens quand? La cagoule et le glock, je prends 50 en 3 minutes. Allez, t'as fait pour 1000 E, personne va gober la pilule. Je n'ai plus le bon profil pour être un garangé. Frérot, juste avant de partir, je voudrais me venger. La rue, c'est ma femme, c'est plus qu'un ami. J'y étais, j'y suis, cicatrice à vie. J'ai dormi dehors, j'ai braqué de l'or. Vu que Sébastien Love, j'ai piloté, c'est mort. Alors le 9-3, ça pilote sa mère ou quoi? Je lui ai pris la crime et même un bébé. Je suis un vrai soldat. J'aime la rue, j'aime la rue. Mais c'est tout ce que je sais faire. J'suis un vrai soldat. C'est la rue, frère. Elle m'a fourni tant de frais. Quand à la prod, bim, bim, bim. Belle est que là aussi, hein. Ok. Alors, ça pète dans la cellule ou pas? Hein? T'es une belle petite bombe atomique. Un bête de corps, une parole de fusil. J'ai le bracelet électronique. Sinon je serais déjà parti dans les îles. Je veux une salope comme Clara Morgan. T'as envie de baiser, j'ai le dent pour garde. 69-890, bâtiment B posé dans le canne. Le matin je descends dans la promenade. Je tue cette barre de fils de pute. Je veux la directrice dans un convoi. Avec Félix et Sauveur, sauter le bus. Dehors ça complote, on va te fumer. Un jour de pluie, laissé par terre. J'aurai un alibi, je serai à Miami. Sur un jet ski sans débarder. Je vais te faire, la crime n'est pas faite pour décevoir ses frères. Tu me donnes un tuyau, je vais te faire l'affaire. Je te donnerai pas ton nom, c'est le procureur m'enferme. Je suis tellement fier, 10 millions je serai pas de pute. On dit que le diable m'habite, connaît toute ma vie. Que le doute navigue dans toute ma vie. Mon automatique va lui faire changer d'avis. Toujours du flow, pour le fils de pute et les donneurs de go. Je pense à mes rôles, toujours en cash. C'est pour que des rêves à convertir en cash. Clique ma page, on est que les barrages. Ton pote le voyou va devenir l'otage. Besoin de tuer ma rage, va un bon massage au bord de la plage. Ouais ouais, je mets mon fils. 5 ans, il aura fait le Mexique. Ferme ta gueule, imbécile. Nous c'est fait 12, c'est pas P6. J'ai tout niqué dans ma Tessie. J'ai pas de chat, j'suis pas Messi. J'viens du 9-4, j'me suis fait tout seul. Donc je prends tout, j'dis pas merci. Espèce de fils de pute t'as sucé. Y'a des locations qui sont pulsées. C'est les vrais qui font que j'ai du succès. Quand t'as de vrais tueurs, toi-même tu sais. Demandeur quand tu as des couilles. Ça c'est pour la vie. Mais comme t'as donné ton petit cul, tu seras jamais mon ami. Pour toi, 23h, j'bois du champagne. Foie gras, pas de Springles. T'inquiète mon frère, j'suis toujours le même. Calibré comme à une gueule. Ils parlent tous de moi comme gros Carlos. Les calmes, pas de Pamo. J'te laisse sortir devant chez toi. T'es mort à la porte de ton Carlos. J'ai jamais sucé, j'ai jamais violé. Jamais de billets gris que des billets violés. Sale fils de pute, vous êtes démodé. C'est quoi ces talons, j'vais la démonter. Les chartes, les chiffres jusqu'à TVC. Dans la rue, sur mes couilles que j'ai tout misé. Comme une carapace, pas besoin de savoir viser. Juste épi, de toutes les couleurs sont mes yébis. De toutes les couleurs sont mes amis. Russie, Bastia jusqu'au Mali. As-tu saisi, nique ta mère. Je représente les vrais frères. Je suis déter, y'a mon album qui va sortir. Mon dame éco, cellulaire. Avant d'aller au prétoire, je fume un joint d'air. Je me rappelle que je vais mourir avant d'avoir l'âge de mon père. Quel enfer, faut se battre pour avoir la foi. Tu me fais, je t'emmène avec moi. On est là pour le présente pas. Sur la tête de ma daronne que je changerai pas. Ok, parle dans les bacs. C'est le dernier jour du Planète Rap. Merci à tous. Gros soutien, sa mère la pute. Vous allez voir, on est qui? Bande de merde. Rack. Alors, Belek. Faut pousser. Merci du soutien. À tout le 9-4, 9-3, 7-5, 19e, 20e, le 13. Aïe. À l'instant, la session live pour conclure ce Planète Rap avec la crime, c'était chaud. C'était bien chaud. Vous pouvez retrouver les images sur skyrock.fm de ces lives avec l'instru de Mobb Deep tout à l'heure, là, ouais. Avec le morceau La Rue et Bracelet. Merci beaucoup, Fred. Et bah, juste avant de se quitter, je propose que. Est-ce que je peux choisir le morceau, Colomé? Allez, vas-y, choisis. Allez, qui traduit bien l'album, j'ai envie de mettre Corleone. Allez, vas-y. Ça te va? C'est parfait. Allez, on finit. C'est l'intro de l'album. L'album c'est que parfait. Vous pouvez tout ce week-end encore dans les bacs. Allez vous procurer l'album de la crime. Corleone, c'est aussi le nom du morceau qu'on écoute pour conclure ce Planète Rap avant de faire tourner la roulette. Peperos, Bilna, Ré, Krimias, Yepta, ça dit quoi? Babou, tu fais des sous, t'as pas capot. C'est que t'es comme moi. C'est sûr, bon. La rue, c'est plus dangereux qu'un coma. Vrai, me suivez, me supporte. Je vous oublie pas. Non. La vie est courte, monsieur. Donc faut des armes, du courage, du vice, d'honneur. Petit frère, sois fier. Regarde-moi, là ouais. Le jour, la veille, de ma paye. Je dors pas, l'ivresse, la faim. Des billets, ne mords pas. Ouais, ouais, la guerre pour faire ma vie. Protéger la tirer sur l'ennemi, viser dans le mille, hein. Tout niqué, des frères ont embrassé la mort. Ça et des médis, des vrais soldats, je vous oublie pas, hein. Vais-je pouvoir un jour me reposer? Me reposer? Mon père t'a fait la nuit, le dos cassé. Combien dans ta ville ont fini bandit? À 15 ans, je volais des sous, j'ai jamais grandi. Pourquoi mon cœur est maudit? Envie de faire des folies. Pourquoi les démons me font croire que l'enfer est joli? Même oui, avec des millions, aurons-nous la paix? La Caraline, ma gueule, Roubaix, on est quelle envie? Toulouse, c'est ici. Avec la fin, je suis parti de rien. Je voulais voir le monde, donc j'ai volé. L'estomac noué, je n'ai doué. J'ai fumé le roi qui me croyait dévoué. Lové, mon Dieu, toi seul peux me sauver. Si vous saviez ce qu'on a fait, n'est pas toujours ce qu'il fallait. Crever, le fond de mon cœur n'est pas mauvais. Juste un grand loup de la tête qui a tout niqué pour rater sa pièce. Yo, 9-4, you know how we do. Ça brasse, hein, bâtard. Trouvé pour creuser mon trou, il fallait se débrouiller. Fallait qu'on baisse tout. Y'a rien dans mon assiette, donc je prends tout au resto. La faim nous a soudés, nous a rendus plus forts. On a grandi sans un sou, adolescent, nous prenions que des larmes. Fais du mal, t'es du ma mère. Vraiment. Alors la Gestapo, ouais, Sabri, ça dit quoi? Tchappa, t'es là pour toucher tous, hein, les gars. T'es là le pour perpète, tout faire. Je suis canin parmi tant d'autres, juste de passage. Bienvenue dans mon monde. Carléon. Grand remix de Carléon, ma gueule à venir, hein. Ça va être chaud. Voilà, Corleone, pour conclure cette semaine. Merci vraiment, la crime. Merci vraiment, vraiment, frère. Grosse semaine, et puis grosse semaine aussi la semaine dernière avec toi. Ouais. On a passé 15 jours autour de cet album. C'est une vraie fierté d'avoir défendu cet album. Franchement, merci beaucoup. Qui est dans les bacs, qui est numéro 1, qui est un super album, qui, à mon avis, va rentrer dans, voilà, dans les classiques du rap français, celui-ci. Merci beaucoup. Celui de la crime. Allez vous le procurer si vous l'avez pas encore. Je sais pas s'il reste quelques box collector, mais elles sont vraiment belles aussi. Donc, si jamais il entraîne dans le snack. Le coffret est beau et c'était en édition limitée à la Fnac, donc l'album et le t-shirt aussi, ouais, de Corleone. Sinon, il y a quand même l'album à trouver un peu partout, en téléchargement légal aussi. Allez cliquer. Merci vraiment, la crime, pour cette merci semaine. À merci à Bélec, merci à tous ceux qui ont écouté tous les jours, qui étaient branchés. Tous ceux qui sont passés. T'es un bon mec, merci. Ah bah, j'essaye de m'améliorer. Merci, au quotidien. On fait tourner la roulette, allez, juste avant de se quitter. Skyrock t'offre le concert des plus méga stars US. Jay-Z, Beyoncé, Stade de France. Avec Marine de Roubaix. Salut Marine. Salut, ça va? Salut, je te présente la crime, notre invité. Salut, ça va la crime? Salut Marine. Ça va? Salut Roubaix. Le 5-9, ouais, en force. Ouais. Roubaix sont chauds là-bas. Ah, la crime. Lille, Roubaix, Tourcoing. Ils sont Roubaix, Tourcoing, j'ai oublié Tourcoing. Le triangle d'or. Ouais. Marine, tu es prête à faire tourner, on y va? Ouais, je suis prête, ça y est. Allez, dès que tu veux, stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et bah voilà, Jay-Z, Beyoncé, Marine, tu y seras. Putain. Le concert événement dans une semaine, c'est pour toi, Marine. Bien. Parfait. Je suis trop contente, merci beaucoup. Pour passer un bon week-end, parfait. Je peux passer une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Alors, je dédicace à Redo, ses copains Zach et Nadir, et à mes petites copines Maëlys et Lucille que j'adore. Et bah toute la bande de Roubaix. Bisous, Marine. Merci, salut, bisous, salut. Ciao, merci la crime. Merci à toi, frère. Allez, on te retrouve demain du côté de Perpignan pour le showcase. Ouais. Et puis venez nombreux, ouais, ça va tout casser. Au Purple à Perpignan, allez voir la crime et puis allez vous procurer cet album. Merci à vous tous. Merci. Merci à Bélec encore une nouvelle fois. Merci à Bélec. Merci à Cor. On va retrouver D-Fool maintenant sur Skyrock. C'est parti pour la vidéo. Yes. Oui, on est là. Merci la crime pour cette grosse semaine. Grosse semaine avec l'album de la crime que vous avez découvert sur Skyrock pendant 15 jours. Je dis grosse semaine, mais c'est une quinzaine. L'album de la crime. Eh ben, on en passera un petit bout ce soir. À pas louper ce soir dans la Radio Libre. C'est parti. J'espère que ça vient ce vendredi soir. Dans un instant, la Radio Libre démarre. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Déjà, ensemble. Mais qu'est-ce que tu fais, Marie? Marie, mais t'es en culotte, quoi. Marie, là, en culotte. Bon, avec Marie en culotte, vous c'est tous ouf, au 01 53 40 30 20. Vos messages sur le 41 759, skyrock.fm, faites péter les réseaux sociaux. Et puis, TI pour démarrer l'émission. TI, c'est le premier son qui arrive tout de suite. Allez, dans une minute, TI, ce sera No Mediocre sur Skyrock. Radio Libre en direct.